Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 5. Du sujet de la foi. L'ange et l'homme, dans l'état primitif, ont eu la foi. Les démons ont une foi forcée. Quiconque nie un article de foi n'a pas la foi. Que, la foi a des degrés divers. 1. L'ange et l'homme, dans l'état primitif, ont-ils eu la foi? Les anges, avant leur confirmation en grâce, et l'homme, avant le péché, n'avaient pas la claire vue qui supprime la foi. Si donc ils n'avaient pas eu cette vertu, ce ne pourrait être que parce qu'ils auraient complètement ignoré ce qu'elle enseigne, et cela ne se peut admettre. Créé dans l'état de grâce, et non dans l'état de pure nature, ils reçurent par là même, dès le premier instant de leur existence, le commencement du bonheur suprême, qu'ils devaient posséder plus tard, car la béatitude, ainsi que nous l'avons dit plus haut, commence, dans la volonté, par l'espérance et la charité, et, dans l'intelligence, par la foi. Nous devons admettre, sur ce fondement, que l'ange, avant sa confirmation en grâce, et l'homme, avant le péché, ont eu la foi, mais ils ont pu avoir une vue manifeste de quelques-uns des mystères divins, que la foi seule nous fait connaître maintenant. 2. Les démons ont-ils la foi? L'apôtre Saint Jacques, 2:19, répond: les démons croient et tremblent. Forcés par l'évidence des preuves, ils croient que l'enseignement de l'Église est divin, leur foi est une suite de leur pénétration naturelle, mais non un don de Dieu. 3. Les hérétiques hier sur un article de foi ont-ils la foi sur les autres articles? Autant le péché mortel détruit la charité, autant la négation d'un seul article de foi détruit la vertu de la foi. L'objet formel de la foi est la vérité suprême manifestée par les saintes écritures et par la doctrine de l'Église qui procède de la vérité suprême elle-même. C'est pourquoi, quiconque ne s'attache pas, comme à une règle infaillible et divine, à l'enseignement de l'Église, dont l'autorité émane de la vérité première manifestée dans l'Écriture sainte, celui-là n'a pas la foi. S'il croit quelques vérités appartenant à la foi, il les admet d'une autre manière que par la foi. Faire choix parmi les vérités que l'Église enseigne, embrasser les unes, rejeter les autres, selon son bon plaisir, c'est adhérer à sa propre volonté, mais non pas à la doctrine de l'Église, règle infaillible de la foi. L'hérétique qui nie obstinément un article de foi, n'est pas disposé à suivre en tout l'enseignement de l'Église, et, dès lors, il n'a pas la foi à l'égard des autres articles, il a seulement une opinion conforme à sa volonté. 4. La foi est-elle plus grande dans un individu que dans un autre? Le Seigneur a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Matthieu 14:31. Et, ailleurs, à une femme, femme, votre foi est grande. Matthieu 15:28. Donc la foi est plus grande dans certains hommes que dans d'autres. En effet, outre qu'un individu peut croire explicitement plus de vérité qu'un autre, la foi peut être plus grande chez quelques-uns, tant du côté de leur intelligence, qui a plus de conviction et de certitude, que du côté de leur volonté, mieux disposée à croire, parce qu'elle a plus de dévotion. Puisque la foi est un don de Dieu, ce don peut très bien n'être pas égal dans tous les fidèles. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.